Les expositions et exposés nationaux de réalisations scientifiques et techniques agricoles 2016 sont ouverts le 6 courant à l'Académie des sciences agronomiques. Y ont participé les cadres scientifiques, chercheurs, techniciens, enseignants et membres de doctorat des établissements de recherche scientifique et de l'enseignement des unités de production agricole. On y a exposé une centaine de réalisations scientifiques et techniques de valeur permettant d'accélérer la scientifisation et la modernisation de la production agricole. Il y avait aussi plus de 500 produits de plus de 190 espèces telles que les céréales de nouvelles espèces et divers engrais et produits phytosanitaires de nanotechnologie.